Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la Coupe du Monde de football 2010 ou le fiasco de l'équipe de France, la honte à la face du monde. Les images, nous les avons tous en tête. La main de Thierry Henry, la une du journal L'Équipe, le préparateur physique qui jette son chronomètre, le bus qui remonte la petite colline, loin, bien loin de la victoire contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde en 1998. Autre temps, autre bus. On peut moins reconnaître que dans la victoire, comme dans la défaite, les footballeurs français savent y faire. Question spectacle. Ainsi, en ce 20 juin 2010, en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud, les Bleus décident de se mettre en grève pour protester contre l'exclusion de l'un de leurs coéquipiers. Cette incroyable initiative, une première dans l'histoire de la Coupe du Monde, est filmée en temps réel. Elle déclenche une condamnation unanime et générale. On parle du bus de la honte, de fiasco, de désastre national. L'affaire sportive et médiatique devient politique. Au vainqueur de la France, Black Bomber, succèdent les caïds millionnaires de la défaite. Mais quelle mouche a donc piqué ces 22 footballeurs pour qu'ils organisent cette mutinerie insensée? Eux qui gagnent des salaires si hauts que les chiffres en deviennent une abstraction. Quelles sont les raisons du fiasco et ses conséquences sur le football français? À ces questions, nous répondrons en seconde partie d'émission avec Roselyne Bachelot, ancienne femme politique. Elle est aujourd'hui animatrice de télévision. Elle était ministre de la Santé et des Sports du gouvernement de François Fillon au moment des événements. Vous entendrez également le reportage de Gaylor Van Wimersch auprès de jeunes et d'éducateurs d'un club de foot à Aubervilliers. Il y a beaucoup de bons joueurs qui proviennent des quartiers. Par rapport aux joueurs qu'on a, nous, ils ont été très déçus parce qu'il s'est passé à Naïsna. On fait l'amalgame alors que ça n'a rien à voir. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui de Léa Dupuy-Henquin, Ida Bory et des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Pierre Jabot, Koyen Guyen et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Alice Berger et Elodie Royer. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Juillet 2008, boulevard de Grenelle, Paris. Au siège de la Fédération Française de Football, séjour de conseil fédéral. Après la réunion, une conférence de presse est organisée. Les journalistes sont nombreux, l'atmosphère est tendue. Jean-Pierre Escalette, le président de la Fédération, prend la parole pour annoncer la décision. Le conseil fédéral a maintenu Raymond Domenech dans sa fonction de sélectionneur national pour la préparation de la Coupe du Monde 2010. En redéfinissant les conditions d'exercice de sa mission et les modalités de gestion de la sélection nationale. Oui, contre toute attente, Raymond Domenech est maintenu au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Pendant plusieurs heures, il s'est échiné à défendre son bilan. Et il a fait amende honorable. On n'y le reprendra plus sur ses frasques avec les médias. Et il promet du beau jeu. La surprise est de taille. L'équipe de France sort d'un Euro 2008 au cours duquel les Bleus sont éliminés dès le premier tour, après un nul et deux défaites. Le bilan de la compétition est sans appel, catastrophique. Le soir du dernier match, comme le veut la tradition, Raymond Domenech est interrogé à la sortie du terrain. On lui demande son impression, son ressenti. Il répond par une demande en mariage à sa compagne, Estelle Denis, journaliste sur M6, surréaliste. Au sortir de cette compétition manquée, les choix de Raymond Domenech sont discutés, sa communication critiquée et le comportement des joueurs pointés du doigt. Et pourtant, en face, les conseillers ont déjà pris leur décision. Et ils savent compter. Limoger le sélectionneur sous contrat leur coûterait cher, surtout que son remplaçant demandera forcément un salaire plus élevé, vu les standards en vigueur. Quel successeur d'ailleurs ? Les membres du Conseil fédéral traînent des pieds à l'idée de nommer un ancien champion du monde. Ils craignent le puissant lobby France 98. Malgré une opinion défavorable, Raymond Domenech reçoit des soutiens de poids, ceux de Gérard Houllier, le directeur technique national, et de Michel Platini, le plus grand joueur de l'histoire du football français, devenu président de l'UEFA. Les joueurs montent au créneau pour soutenir leur sélectionneur. De son côté, la fédération sort de son chapeau une charte de bonne conduite, rapidement rebaptisée le passeport bleu, sorte de carnet scolaire à destination d'élèves turbulents. Raymond Domenech, maintenu par défaut, les joueurs sous bonne garde, on prend les mêmes et on recommence. Ah, La campagne des éliminatoires pour la Coupe du Monde est difficile. Au sein du groupe, la cassure est bien réelle. Le sélectionneur a perdu toute autorité. Et pour cause, il a été maintenu en grande partie grâce au soutien de ses joueurs. Alors, ces derniers n'hésitent pas à prendre la parole pour critiquer le jeu, les entraînements. À Clairefontaine, c'est la cacophonie. Mais Raymond Domenech tient bon. La France finit deuxième de son groupe. Elle doit donc passer par les barrages. Ce sera contre l'Irlande. Au match aller, les Bleus prennent l'avantage dans l'enceinte de Croke Park, le stade de Dublin. 1-0, but de Nicolas Anelka. Le match retour a lieu le 18 novembre 2009 au Stade de France. Sur le terrain, les Français semblent tétanisés par l'enjeu. En face, les Irlandais jouent libérés et marquent rapidement 1-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Place aux prolongations, à la 103e minute de jeu, tout bascule. Ballon dosé dans la surface, parce qu'il sort pas, il sort pas. C'est mal de Thierry Henry. Oui, il y a mal de ce qu'il a tué aussi. Oui, il y a mal de Thierry Henry. Bien sûr, c'est ce qu'il reproche, ouais. C'est Grouillant Galas qui l'a mis au fond. Oui, il y a mal de Thierry Henry. 100%. L'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde. Un soulagement de courte durée, car c'est un coup du sort, une main, comme il s'en produit tous les jours dans le football, qui qualifie les Bleus. Après tout, l'équipe de France a assez souffert de l'arbitrage quand elle jouait contre l'Allemagne dans les années 80. Et puis, si le football était honnête, ça saurait. Mais ça, les Français ont du mal à l'accepter. Plus habitués à être des perdants magnifiques que des vainqueurs roublards. Le lendemain, l'opprobre tombe sur l'équipe de France et Thierry Henry. Le déchaînement médiatique est terrible. Éditorialistes, hommes politiques, journalistes, on se relaie pour dénoncer la triche, l'atteinte à la morale et au fair play. Certains demandent même à rejouer le match et poussent des cris d'orfraie. D'autres défendent les Français, l'injustice inhérente à ce sport qu'est le football. Le match ne sera donc pas rejoué. La France valide son ticket pour l'Afrique du Sud, une qualification marquée du sceau de la polémique, la première d'une très longue liste. C'est la silhouette qui fait vaciller le football français. Zaya, 18 ans, aurait rejoint il y a 2 ans un réseau de prostituées. Avant même de prendre la route pour l'Afrique du Sud, l'équipe enchaîne les désagréments. Le 17 avril 2010, 2 mois avant la Coupe du Monde, les Français découvrent Zaya Dehar, jeune prostituée à la plastique avantageusement retouchée. Arrêtée par la police dans le cadre d'une affaire de proxénétisme, elle avoue avoir eu des relations tarifées avec plusieurs footballeurs de l'équipe de France, alors qu'elle était mineure. Rapidement, des noms circulent. Karim Benzema, Sidney Govou et surtout Franck Ribéry, le leader technique des Bleus. La presse n'en demandait pas plus. Le scandale éclate et les politiques montent au créneau. Partie immergée d'un iceberg de polémiques et d'erreurs de communication qui secoue la préparation de la Coupe du Monde, petit manuel de ce qu'il ne faut pas faire. La fédération annonce la nomination de Laurent Blanc comme successeur de Raymond Domenech au poste de sélectionneur avant même le début de la compétition. L'autorité du sélectionneur en place est donc définitivement sapée. Son comportement plus tard fera le reste. L'ambiance au sein du groupe est de plus en plus pesante. À la surprise générale, Patrice Evra est nommé capitaine en lieu et place d'un William Galas surpris et abattu. Franck Ribéry, autoproclamé leader de l'équipe, fait sa diva. Il veut jouer à gauche du terrain, ce qui déséquilibre le jeu français. Et puis surtout, il ne supporte pas le petit nouveau chouchou du public et surtout des supportrices féminines, Johan Gourcuff, au physique avantageux. Ça rend jaloux quand on n'a pas la hauteur de vue pour passer outre. Et les résultats dans tout ça? Nul. La France perd contre la Chine pour son dernier match de préparation, c'est dire. La puissance chinoise dans le football est inversement proportionnelle à sa puissance sur le terrain économique. Dans ce contexte, la France s'envole pour la première Coupe du Monde sur le sol africain. Dans ses valises, elle emporte le parfum du scandale. Juin 2010, Naïsna, petite ville côtière du Cap Occidental de l'Afrique du Sud. L'équipe de France n'a pas le temps de poser ses affaires que le Petzula Resort, l'hôtel somptueux dans lequel elle prend ses quartiers, fait débat. Et c'est Ramayad, la secrétaire d'État chargée des sports, qui lance la première bande des rires. Moi, j'aurais pas choisi cet hôtel personnellement. L'Espagne, par exemple, a choisi un campus universitaire. L'Espagne qui fait quand même partie des équipes favorites. Si les résultats ne sont pas à la hauteur, la fédération ou les instances, je dirais plutôt les instances parce que ces décisions sont quand même plus globales, devront s'expliquer. Il faudra logiquement en tirer les conséquences. Ce qui compte en attendant, laissez-moi terminer, c'est le résultat sportif des Bleus dans les prochains jours. Et ce que j'attends de l'équipe de France, c'est qu'elle nous éblouisse par ses résultats plutôt que par le clinquant des hôtels. Face à la sortie de la secrétaire d'État, la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, éteint le début d'incendie et rappelle à l'ordre Ramayad. Fini le temps des polémiques, place à la compétition. Sur le papier, la France est dans un groupe facile, Afrique du Sud, Uruguay, Mexique. Alors malgré l'ambiance et l'absence de jeu de l'équipe, on essaie d'y croire. Sur un malentendu, ça peut passer. En tout cas, face aux médias, le sélectionneur et les joueurs font face. On ressort les traditionnels mots valises, les propos passe-partout du genre « Le groupe vit bien, la motivation est là, ce sera un match difficile, comme s'il existait des matchs faciles à ce niveau-là ». Pourtant, à l'aube du premier match contre l'Uruguay, la conférence de presse de Raymond Domenech traduit à mots à peine couverts une bien curieuse atmosphère. C'est qu'un calme apparent, hein. Au-dessous, le calme règne une espèce d'énergie, de tempête qui fait que il faut gérer. On est 23, prêts, déterminés. Je ne pense pas que le mot qu'on puisse donner sur l'esprit des joueurs, ce soit calme. Ils ont envie, déterminés, ils sont prêts, à la limite même un peu agressifs et impatients. Donc c'est pas calme du tout. 0-0 entre la France et l'Uruguay, comme le score l'indique, match nul et sans saveur, une arnaque pour les spectateurs. Tout se jouera donc au prochain match contre le Mexique. En cas de défaite, le retour en France est quasiment certain. Jeudi 17 juin 2010, France-Mexique, deuxième match. La première mi-temps des Bleus est catastrophique. Si la défense tient, l'attaque est à nouveau moribonde. Nicolas Anelka continue son numéro de soliste. Comme au premier match, il déséquilibre l'équipe. Mi-temps, les équipes rentrent au vestiaire. Pendant la pause, les spectateurs assistent à l'échauffement d'André-Pierre Gignac, l'attaquant remplaçant. Pour les commentateurs, c'est fait. Raymond Domenech a tranché. Nicolas Anelka ne retournera pas sur le terrain. Alors le match reprend, et cette fois c'est la défense qui prend l'eau. Les Mexicains remportent la rencontre 2-0. Les joueurs français sortent du terrain tête basse. Il faudrait un miracle lors du prochain match pour continuer la compétition. Quelque chose s'est brisé à la mi-temps. Dans le secret des vestiaires, l'étincelle attendue a fini par déclencher l'incendie. À ce moment-là, personne n'en a conscience. Mais il est déjà trop tard. Samedi 19 juin 2010, lendemain de défaite contre le Mexique, la France se relève difficilement. Son équipe est presque éliminée. Par habitude et par dépit, les passionnés se rendent au kiosque pour acheter l'équipe. À chaque compétition, les unes de ce journal rythment le parcours de l'équipe nationale. L'équipe devient le pouls, le relais des Bleus avec leurs supporters. Ce matin, la surprise est de taille. En une, un photomontage de Nicolas Anelka, mine agressive, face à Raymond Domenech, doigt pointé vers le joueur. En énorme, au-dessus, des guillemets rouges encadrent une citation qu'on hésite encore aujourd'hui à prononcer. « Va te faire enculer, sale fils de pute ». Voilà ce qu'aurait dit Nicolas Anelka à Raymond Domenech lors de la mi-temps du match contre le Mexique à classe. L'information révélée par le quotidien fait l'effet d'une bombe, évidemment. Tous les médias la reprennent et le buzz est lancé, dévastateur, à tel point que le président de la République, Nicolas Sarkozy, en déplacement en Russie, est interrogé sur le sujet en pleine conférence de presse. Si les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts, je n'y étais pas, ils sont inacceptables. Inacceptables. Pour le reste, je fais confiance à la ministre pour que les conclusions soient tirées de cet échec et que les mesures soient mises en œuvre pour que la France du football puisse à nouveau être pleine d'espérance. Anaïs Nau, c'est depuis la veille que l'information va sortir. Réunion d'urgence alors entre Jean-Pierre Escalette, le président de la Fédération, et Raymond Domenech. Pour les deux hommes, il n'y a qu'une solution. Que Nicolas Anelka fasse des excuses publiques. En échange, il pourra rester avec le groupe, mais ne jouera plus. Chez les joueurs, c'est la stupeur. Comment l'information a-t-elle pu sortir du vestiaire? Qui a informé les journalistes? Le peu de confiance qui régnait au sein du groupe vole en éclats. De son côté, Nicolas Anelka a appelé ses conseillers. Les enjeux en termes d'image et donc d'argent sont énormes. Immédiatement, Quick, l'enseigne de fast-food, retire la campagne de publicité qui met en scène le joueur. Et pourtant, patiemment, l'attaquant français avait réussi à remonter la pente, à se défaire de l'image de bad boy qui lui collait à la peau. Là, d'un coup, tout s'écroule. Une chose est certaine, il ne s'excusera pas. Ce serait reconnaître les propos relayés par le journal et donc admettre sa culpabilité. Et au passage, adieu la prolongation du contrat avec son club de Chelsea. Patrice Evra et Thierry Henry jouent les tampons entre les dirigeants et leurs coéquipiers, mais rien n'y fait. Aucune des deux parties ne veut et surtout ne peut céder. Alors, décision est prise, Nicolas Anelka est exclu du groupe. On organise une conférence de presse. Jean-Louis Valentin, le directeur délégué de l'équipe, Jean-Pierre Escalette et Patrice Evra font face aux journalistes. Le président de la fédération paraît complètement dépassé. Il a le regard hébété. Il renforce cette image d'un homme qui vient du monde amateur, dépassé par un football business où les joueurs millionnaires ont pris le pouvoir. Puis c'est à Patrice Evra, le capitaine, de prendre la parole. Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Bon, la question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Ces joueurs-là sont maintenant seuls au monde. Que pourrait-il nous arriver si l'on cherchait à toujours tout retenir? Que pourrait-il à l'avenir? Sans bouger, si on restait à toujours tout retenir, est-il nous arriver? Inside, outside, somebody's coming back. Don't leave me, my baby. Don't leave me, coming back. Si l'on cherche, que pourrait-il nous arriver? Inside, outside, si l'on cherche à toujours tout retenir, est-il à l'avenir? C'était là sans bouger. Inside, outside, somebody's coming back. Don't leave me, my baby, don't, on his way back. Inside, outside, somebody's coming back. Don't leave me, my baby. Jusqu'où pourrions-nous dériver si on cherchait à toujours tout retenir? Jusqu'où pourrions-nous sans bouger, si l'on cherchait à toujours tout retenir, est-il nous arriver? Inside, outside, seeing that it's coming back. Don't leave me, my baby. Don't, don't, it's coming back. Inside, outside, si l'on restait là sans bouger, si l'on restait à toujours tout retenir, si l'on restait là sans bouger. Que pourrait-il nous arriver? Inside, outside. Que pourrait-il nous arriver? Inside, outside. Que pourrait-il nous arriver? Si l'on restait là sans bouger. Dimanche 20 juin 2010, comme tous les dimanches depuis des années sur TF1, c'est la célèbre émission Téléfoot. Invité Raymond Domenech, il revient sur la défaite contre le Mexique. Il est interrogé sur l'insulte et l'exclusion de Nicolas Anelka. Tout à coup, sans prévenir personne, Franck Ribéry fait son apparition sur le plateau de l'émission. La voix nouée, le joueur français prend la parole. Il veut réagir à une soi-disant prise de bec avec Johan Gourcuff, mais aussi et surtout présenter ses excuses à la France. Tout le monde est en train de se foutre de nous, c'est-à-dire dans le monde. Et là, on dit trop de choses à l'extérieur. Moi, à un moment donné, j'étais le premier à aller voir les journalistes, à parler avec eux. Ça me faisait plaisir. Maintenant, j'ai aussi, plus envie. J'ai plus envie, je vous dis honnêtement. J'ai plus envie. Comment on est en train de me... On est en train de me parler comme moi. Ah, j'ai les boules. Il nous reste un match. Laissez-nous vivre encore 2-3 jours avec un peu d'espoir. Laissez-nous... Je vais partir là-dessus en se disant... Il y a encore un espoir et on a envie tous, c'est Franck On ne l'a même pas demandé, il est venu témoigner comme ça, spontanément. C'est-à-dire qu'il a envie aussi, quelque part, de faire autre chose que ce qu'on a fait dans le dernier match. Et on a tous que cette envie-là. C'est-à-dire, après, vous viderez toutes les poubelles que vous voulez. Je veux dire, ce n'est pas un problème. Mais laissez-nous ces 2 jours, 3 jours, simplement. C'est tout ce qu'on vous demande. Dans l'après-midi, l'équipe de France va pouvoir faire preuve de sa motivation. Exceptionnellement, l'entraînement est ouvert à la presse. La session accueille aussi les enfants de l'école de Naïsna. À 16h30, le bus des joueurs descend la colline jusqu'au Fields of Dreams, le terrain des rêves. Le bus se gare, les joueurs descendent et se dirigent vers la petite butte où les acclament les jeunes Sud-Africains. Ils saluent leurs supporters, signent des autographes. Mais quelque chose cloche. Les membres du staff et certains journalistes s'en rendent compte. Les joueurs sont en basket. Ils n'ont pas mis leurs chaussures à crampons que l'entraînement exige. Tout à coup, les crépitements des appareils photos s'intensifient. Les objectifs sont braqués vers le centre du terrain. Une vive discussion s'y tient entre le capitaine Patrice Evra et Robert Duverne, le préparateur physique en charge de l'entraînement. Au loin, on se rend compte que le ton monte. Robert Duverne a l'air furieux. Il pointe son doigt vers le joueur d'un signe réprobateur. Puis, Raymond Domenech s'intercale entre les deux hommes pour les séparer. Robert Duverne s'en va excédé et finit par jeter son chronomètre. Patrice Evra rejoint le groupe des joueurs. Puis, il se dirige vers François Manardeau, l'attaché de presse de l'équipe. Alors, il lui tend un papier et lui demande d'aller le lire au journaliste. Accompagné par les autres joueurs, il remonte dans le bus. Au même moment, Jean-Louis Valentin, le directeur délégué de l'équipe, quitte le terrain d'entraînement. Furieux, on le voit remonter la petite colline à vive allure. La meute de journalistes se lance à sa poursuite. Dans cette folle ascension vers l'hôtel, essoufflé au bord de larmes, Jean-Louis Valentin s'exprime. Ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc dans ces conditions, je démissionne. Qu'est-ce qui s'est passé avec Robert Duverne? C'est plus mon problème. Dites-nous. Les journalistes incrédules filment les événements. Les caméras sont maintenant dirigées vers le bus de l'équipe de France. Les rideaux sont tirés. Sur le côté du car, il y a cette inscription « Tous ensemble vers un nouveau rêve bleu ». Le décalage est complet. Le temps s'écoule. On comprend que les joueurs de l'équipe de France refusent de s'entraîner. Les chaînes d'information changent d'habillage, elles passent en édition spéciale. Raymond Domenech finit par descendre du bus. À la main, il tient un petit papier. Alors il s'avance vers les journalistes et l'air penaud, il prend la parole. Tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. Et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. Incroyable, c'est donc ça. Les joueurs se mutinent pour protester contre l'exclusion de leurs coéquipiers. Ils font grève un dimanche. Les images sont reprises en boucle toute la soirée. À l'imprimerie, la une de l'équipe titre simplement « Surréaliste ». Bah oui, que dire d'autre? Les joueurs donnent l'impression d'être totalement déconnectés. Qu'ils soient en colère parce que le secret du vestiaire a été rompu, parce qu'ils estiment injuste l'exclusion de leurs camarades, pourquoi pas? Mais c'est une mutinerie, enfin. Dans un contexte économique et social marqué par la crise, la grève des nantis, alors même que les manifestations contre la réforme des retraites battent son plein, c'est impensable, la rupture est consommée. De retour à l'hôtel, les joueurs prennent la mesure du déferlement qui s'abat sur eux. Au téléphone, leurs proches essaient de comprendre, leur disent l'impact terrible de leurs gestes sur l'opinion. Journalistes, spécialistes, éditorialistes n'ont pas de mots assez durs pour qualifier les événements. L'affaire prend une tournure politique. Il reste un match, avec une infime chance de se qualifier. Seul un passage en 8e de finale pourrait restaurer l'image de l'équipe. Alors Roselyne Bachelot, la ministre des Sports qui a rejoint les joueurs, tente de sauver les apparences. J'ai donc indiqué que le football français affrontait un désastre. Non pas parce qu'il avait perdu un match, mais parce que ce désastre était un désastre moral. Rien ne sera plus comme avant. Et je l'ai dit aux joueurs, dans un entretien extrêmement émouvant. J'ai vu les yeux de chacun d'entre eux. J'ai dit aux joueurs, ce sont vos gosses, nos enfants, pour qui peut-être vous ne serez plus des héros. Les rêves de vos compagnes, de vos amis, de vos supporters, que vous avez peut-être brisés. C'est l'image de la France que vous avez ternie. Des paroles fortes, mais le mal est fait. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Et notre invité, précisément, c'est Roselyne Bachelot. Nous lui donnerons la parole dans 5 minutes. Le 22 juin 2010, le match de la dernière chance tourne court. Johan Gourcuff est expulsé et à 10, la France s'incline 2-1 devant le pays organisateur, l'Afrique du Sud. En sortant du terrain, Raymond Domenech refuse de serrer la main de Carlos Alberto Parreira, le sélectionneur de l'équipe adverse. Les deux hommes s'écharpent. Le sélectionneur portugais saisit Raymond Domenech par le col. Pourquoi ? Parce qu'après la main contre l'Irlande, faute il est vrai rédhibitoire, il avait dit que la France ne méritait pas de participer à la Coupe du Monde. Comme si l'image de l'équipe de France n'était pas assez dégradée, Raymond Domenech se devait d'y ajouter sa touche en finesse. Le lendemain, les Bleus rentrent en France. Cette fois, l'union sacrée décrétée avant le dernier match vole en éclats. L'affaire prend une toute autre dimension. On parle de honte nationale, de désastre moral. La grève des joueurs gagne même l'Assemblée. Alors qu'avant le dernier match, Roselyne Bachelot essayait d'attiser la flamme de la victoire rédemptrice, après la défaite, le ton change. Jamais le gouvernement n'aurait dû avoir à s'occuper de la Coupe du Monde de football. Car c'est la responsabilité de la Fédération Française de Football. Responsabilité sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan logistique. Je ne peux que constater, comme vous, le désastre. Avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité. Une Fédération Française de Football aux abois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre toutes ses responsabilités. D'abord en prononçant et en faisant faire une analyse approfondie, un audit externe. Car ceux qui ont failli ne peuvent pas piloter cette analyse. Ils ne peuvent pas faire leur cuisine sur leur petit feu. Caïd immature, l'expression fera date. Elle traduit aussi les éléments de langage qui s'imposent dans la foulée de cette catastrophique Coupe du Monde. Pour les observateurs, l'attitude des joueurs symbolise la perte de réalité de ces jeunes de banlieue devenus richissimes. Sous une présidence qui a mis en place un ministère de l'identité nationale, autant dire que ce manque de respect du maillot tricolore passe mal. Alors il faut des coupables. On se dit que la mutinerie a certainement ses meneurs. Les premiers noms sortent dans la presse, Thierry Henry, William Gallas, Eric Abidal et Patrice Evra seraient les leaders du mouvement. À mots à peine voilés, on laisse entendre qu'il y aurait les blacks leaders contre les blancs suiveurs, les jeunes de banlieue d'un côté contre ceux issus des classes moyennes. De leur côté, les joueurs font face. Le groupe dans son entier était pour la grève. Chacun était libre de se lever et de sortir du bus pour marquer son opposition également. Retour en France. À l'aéroport, Thierry Henry, le premier à descendre de l'avion, il file directement vers le palais de l'Élysée pour rencontrer le président de la République, Nicolas Sarkozy. On ne saura finalement pas grand-chose de cette rencontre entre l'attaquant des Bleus et le président. Il n'y avait sans doute rien à sauver. Thierry Henry repartira par la petite porte. Dans la foulée, il accorde une interview à Michel Denisot. Je me suis senti écarté. Par les autres ou par le coach ? Je me suis senti écarté. Peu importe qui, quoi, on ne me parlait plus comme avant. Et je vous dis, chacun a ses raisons, hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails. On a beaucoup dit que Johan Gourcuff était mal aimé du groupe, qu'il y avait des problèmes avec Ribéry. Après, j'ai pas tout vu. Mais je peux vous dire ici, en vous regardant, j'ai pas vu de bagarre. J'ai pas vu personne de mettre de pression à qui que ce soit. Les décisions ont été les décisions de groupe. J'ai plutôt vu des gens parler et essayer de remonter le moral à certaines personnes. Y compris Gourcuff. Ah oui, ah oui. Yo, oui, bien sûr, oui. Je pense que nous, on devait montrer notre soutien à Nicolas sur le simple fait que les mots qui sont sortis dans l'équipe et le titre de l'équipe, ce n'est pas ce que Nicolas a dit. C'est surtout dans ce sens-là qu'on voulait appuyer Nico et aider Nico. Alors le bus, qui a décidé le bus ? Le groupe, et je le répète, je regarde la caméra, je vous regarde, le groupe. J'ai entendu trop de Il y avait unanimité ? Sur le moment, oui. Ouais. Après, je ne sais pas, mais sur le moment, je peux vous dire que personne n'a mis de pression à qui que ce soit. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, quand tu vois que les conséquences que ça a pris, tu peux dire oui que c'était une erreur. Après le temps des confessions vient celui des sanctions. Le 2 juillet, Jean-Pierre Escalet démissionne de la présidence de la Fédération française de football. Une mission d'information est mise en place pour enquêter sur le fiasco. Le 17 août, 5 joueurs et le sélectionneur sont convoqués par la commission de discipline. Retour boulevard de Grenelle. Nicolas Anelka est suspendu 18 matchs pour insulte. C'est la fin de sa carrière internationale. Patrice Evra en tant que capitaine et Franck Ribéry en tant que vice-capitaine écopent respectivement de 5 et 3 matchs de suspension. Éric Abidal, lui, n'est pas sanctionné. Enfin, le dernier joueur, Jérémy Toulalan, est suspendu un match. La présence du milieu lyonnais dans les meneurs surprend les observateurs. Ce joueur issu d'un milieu moyen, réputé pour sa modestie, brise les pseudo-analyses sociales qui ont fait de cet événement l'expression d'une voyoucratie, de la cassure entre la banlieue et le reste de la France. Son rôle dans la grève ? Il a demandé à son conseiller de relire et de réécrire le communiqué des joueurs qui présentait de nombreuses fautes de syntaxe dans sa version initiale. Terrible révélation de la mascarade dans laquelle se sont englués ces 22 footballeurs à la dérive. Et Raymond Domenech dans tout ça ? Il est licencié pour faute grave. Les dirigeants s'appuient sur son refus de serrer la main du sélectionneur de l'Afrique du Sud. Il ne se privera pas de porter plainte au prud'homme et de repartir avec une indemnité de 975 000 euros. Mais le temps fait toujours son œuvre, apaisante. Depuis, l'équipe de France a redoré son blason à l'issue d'une Coupe du Monde au Brésil très honorable, quart de finale, et à 15 mois de l'Euro 2016 qu'elle organise, que de perspectives favorables. Il est de ces amitiés dont on ferait volontiers l'économie, m'est forcée d'avouer de prime abord. Le spleen t'adore, chaque minute son poison, clair-obscur à foison, sans rumeur ni raison. Si tu kiffes, sans dis donc, les fissures, les bubons, sans rumeur ni raison, sans rumeur ni raison. Et des drames, des émois, que tout quitte âme ici-bas. Tente de taire, tant qu'à faire, mais pas toi, de prime abord. Le spleen t'adore, chaque minute son poison, l'air obscur à foison, sans rime ni raison. C'est ton kiff, ta passion, la mort sur les 10 ans, sans rime ni raison. Sans rime ni raison. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, parce que je crois que de cette affaire, vous avez souvent parlé, on vous a souvent interviewé. Peut-être qu'un jour vous vous êtes dit, bon maintenant ça suffit, c'est du passé. Exactement, j'ai dû faire 200 ou 300 interviews sur l'affaire de Daïsna. Et j'avais pris la décision de ne plus en parler, mais j'ai fait une exception pour vous. Bon, je vous remercie, ce sera peut-être la dernière, on va considérer que c'est voilà. La meilleure, d'accord ? Quand on est ministre, derrière un ministre, derrière une ministre, il y a une femme ou un homme, tant qu'il y a un être humain. Comment vous avez vécu ça ? Parce que moi je trouve que quand on réécoute ces déclarations, il y a quelque chose de très âpre là-dedans. Alors vous avez vécu d'autres combats, hein, notamment le PACS, il a fallu que vous battiez à contre-courant. Et est-ce que là c'était dur ? Est-ce que c'était âpre, cette affaire-là ? Comment vous l'avez vécu personnellement ? J'ai vécu cette affaire très très mal. J'ai vécu cette affaire avec un mélange d'incompréhension, d'impuissance, d'isolement aussi, parce que je suis en Afrique du Sud, les communications sont difficiles, je suis quasiment en milieu hostile, les matchs ne se déroulent pas à Johannesburg, le match contre le Mexique se fait à Polokwane, Diable Vauvert, celui contre le dernier contre l'Afrique du Sud est à Bloemfontein, dans des conditions extrêmement dures. Et tout ça se déroule malgré tout à une vitesse accélérée. Et c'est vrai que l'équipe de France est à Naïsna. On a beaucoup critiqué, y compris ma secrétaire d'État, la localisation, le luxe de l'hôtel. Hein. Il faut savoir que les hôtels avaient été proposés par la fédération invitante, en l'occurrence l'Afrique du Sud, et que le luxe de l'hôtel compensait son éloignement, et que ça avait d'ailleurs été relevé, cet éloignement, comme quelque chose qui handicapait l'équipe de France. Les autres équipes n'étaient pas mal loties. C'était des hôtels de très bon niveau. Donc le procès qui avait été fait était assez injuste. La première sensation, c'est j'arrive la veille du match contre le Mexique et je vois qu'il se passe une catastrophe. Il y a quelque chose dans l'équipe qui ne marche pas. Parce qu'il y a tout une analyse qui veut reporter la faute sur le titre de l'équipe, sur l'indiscrétion, sur quelque chose qui se serait passé à ce moment-là. Non, c'est trop facile. Le titre de l'équipe, c'est un symptôme, c'est pas la maladie. La maladie, je la vois tout de suite, je rentre dans la salle à manger, personne ne se parle. On me dit une phrase ahurissante, on me dit « surtout, il ne faut pas leur parler, ni même leur dire bonjour, ça pourrait les déconcentrer ». Mon Dieu. On est quand même à une journée et demie, on est au déjeuner de la veille du match. Je vois pas trop comment le fait que la ministre des Sports serre la main des joueurs et leur dise un petit mot d'encouragement pourrait les gêner. Il y a 4 tables qui ne se parlent pas. 3 tables de joueurs et la table des coachs de l'encadrement qui est là entre soi. Et dans une salle à manger attenante, mais complètement séparée, les gens de la fédération. Et là, on voit que le dialogue est complètement rompu. Que dans ce groupe où les encadrants de la fédération, le coaching, les joueurs devraient être dans un état de solidarité, de cohésion et d'excitation collective, il y a véritablement un silence épouvantable. Donc vous n'êtes pas surprise. Vous quand ça éclate à partir d'une atmosphère tendue, vous avez pesante, pu voir, oui, vérifier. Tout de suite. Alors au début, vos propos sont plutôt des propos conciliants, et puis vous changez de ton. Il y a un moment, vraiment, vous changez de ton. Qu'est-ce qui fait que vous changez de ton ? Alors, d'abord, je suis dans une sorte d'injonction contradictoire, une injonction paradoxale, parce que à la fois, comme ministre des Sports, je dois être la première supportrice de l'équipe. C'est aussi le rôle d'un ministre des Sports, d'être la fan de nos équipes nationales. Ça ne manque d'ailleurs pas d'agrément, parce qu'on assiste à des très beaux événements sportifs, qui sont d'ailleurs des parcelles brillantes dans ma vie ministériels, la médaille d'or d'Alain Bernard à Pékin, ou les victoires de notre équipe de handball sont mes plus beaux souvenirs. C'est un portefeuille sympa, l'espoir. Mais formidable. Ou le match où l'équipe de France gagne contre les All Blacks 20-18 en Coupe du Monde. J'en garde un souvenir émerveillé. Et donc, on se doit d'être comme ça, mais aussi, on est ministre de la République ce ministre de la République et pas seulement ministre des Sports est comptable de l'image de la France dans le monde. Et donc, je suis obligé d'affronter cet événement contradictoire, cette injonction contradictoire. On me dit, après le match contre le Mexique, qu'il s'est passé quelque chose. On ne me dit pas ce qui s'est passé. Mais dans le petit monde de Naïsna, on me dit qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Il va se passer des choses graves. J'envoie les deux conseillers qui sont avec moi un petit peu dans les chambres. Moi, je ne peux pas y aller, évidemment. Un petit peu aux nouvelles. On me dit, il s'est passé. Il y a eu des injures, des altercations, etc. Et puis sort la une de l'équipe dont je ne redirai pas le titre puisque vous avez bien voulu en faire état. Et moi, ce sont des propos de vestiaire. J'estime que je ne dois pas intervenir. Un ministre de la République n'intervient pas sur des injures de vestiaire. Lequel d'entre nous n'a pas parfois dit de ses enfants qu'ils étaient des gros... son conjoint qu'on peut plus le supporter parce que... Bon, très bien. Et puis, là, mais on me raconte, venant de France, ma conseillère en communication va me téléphoner 17 fois dans la journée pour me dire « Madame la ministre, il se passe quelque chose dans le pays ». Et là, je vais faire le samedi, on est le samedi, là, je vais faire un communiqué le plus soft possible, en rappelant tout le monde à la raison. Et en ne mettant vraiment pas du tout la pression sur l'équipe, en essayant d'apaiser. Mais là, le mal est fait. Et il va se passer une sorte de gangrène au sein de l'équipe de France, avec l'altercation entre Evra et Duverne, le refus de descendre du bus, tout ce que vous nous avez raconté, Fabrice Drouel. Et là, effectivement, il y a une sorte de mal profond qui est fait. Alors, il y a des leçons évidemment à tirer, quand vous dites c'est aussi l'image de la France, c'est l'image du football français sur des jeunes, et ça c'est très important. Gaylor Van Wimersch, notre reporter, s'est rendu dans le club de football de la S Jeunesse Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, dans le quartier intitulé Allée du Château. Il est allé rencontrer des jeunes footballeurs, moins de 17 ans, dont certains sont à la porte du prestigieux monde du football professionnel, ils en sont peut-être à quelques encablures. Et on va voir quelle est l'ambiance et aussi la perception de ces jeunes par rapport à cet événement qui s'est déroulé en 2010. Si c'est pas avec l'école, ben on aimerait s'en sortir avec le foot. Aider la famille, le côté professionnel, le Stade de France, le Vélodrome, voir les stars. Les joueurs rêvent de ça, rêvent d'avoir une vie meilleure. Parce qu'effectivement, en étant jeune de quartier, on a cette étiquette et il n'y a pas beaucoup d'ouverture. La clé du foot, c'est le comportement et l'école. Il y a beaucoup de bons joueurs qui proviennent des quartiers. Par rapport aux joueurs qu'on a, nous, ils ont été très déçus parce qu'il s'est passé à Naïsna. On fait l'amalgame alors que ça n'a rien à voir. Ce cliquetis que vous entendez derrière moi, c'est celui du cuir sur les souliers. Le cuir, c'est bien évidemment le ballon, car nous sommes sur un terrain de football, le seul et unique terrain du club AS Jeunesse Aubervilliers, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et ce soir, sous un beau ciel bleu, c'est l'entraînement des moins de 17 ans qui évoluent en championnat national. Et tout autour de nous, les immeubles qui entourent ce rectangle vert. AS Jeunesse Aubervilliers, club familial, populaire et social. L'antithèse du foot business. Moi, je m'appelle Cyril Guams, je suis le directeur sportif du club, de l'association sportive de la jeunesse d'Aubervilliers. On gère ce club depuis 1993. Tout a démarré d'une histoire de terrain de proximité, en face de l'allée du château où on a grandi, où nos parents habitent d'ailleurs toujours. À partir d'un terrain de proximité, on a monté cette structure, on a regroupé tous ces jeunes. On a démarré avec deux équipes, On avait quoi, une trentaine de gamins à l'époque. 22 ans après, on est 600. 4 vestiaires, un petit terrain qui n'est même pas aux normes du niveau national. Contrairement à l'ensemble des clubs de football, on apporte une chose nouvelle, cette dimension sociale. On a fait beaucoup de voyages à l'étranger pour les gamins, on fait de l'aide scolaire. On est proche des jeunes, on est proche de leur famille. C'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait qu'on a aussi des résultats sportifs. Je dis toujours qu'en fait, nos résultats sportifs se joignent aux résultats sociaux. On se revendique d'utilité publique, d'utilité locale même. Ok, on va commencer, on va travailler sur 3 ateliers, d'accord ? Chris, tu récupères un ballon, s'il te plaît. Les garçons, rapprochez-vous. Pour moi, c'est un rêve, jouer au football. Parce que depuis tout petit, je joue au foot. Et voilà, j'aimerais m'en sortir. Je m'appelle Salma Fodjil, j'ai 16 ans, poste milieu offensif. Ensona Chris, 15 ans, mon poste est milieu offensif aussi. On vient de famille de classe moyenne, c'est-à-dire on a des moyens, mais on n'est pas riche. Si c'est pas avec l'école, ben on aimerait s'en sortir avec le foot. Dans le foot, avant d'avoir le talent, il faut avoir l'envie, parce que si t'as pas d'envie, ben, tu peux rien faire dans le foot. Moi, d'abord, je pense que c'est plus le comportement, parce que les clubs professionnels, avant de regarder le talent, ils regardent le comportement, ils se renseignent au niveau de l'école. Il faut être un modèle, parce que après, les gens ils peuvent prendre exemple sur vous. Le foot d'avant, il n'y a rien à voir avec le foot de maintenant. Les joueurs de maintenant, c'est trop fêtard, la grosse tête. Dans le foot de maintenant, c'est un monde de sans pitié en fait. On mise de l'argent à des enfants, ils ont à peine 10 ans. On donne 1 million, c'est énorme. Ah oui, trop d'argent. Au PSG, quand tu signes en centre de formation, à l'âge de 16 ans, ils te donnent une prime, une grosse prime. Moi, je connais un copain qui a 16 ans, il a touché sa prime de signature 90 000. Ça fait peur, mais ça donne envie. Moi, personnellement, si j'ai beaucoup d'argent, je ne penserai pas qu'à ma peau. Je donnerai un peu aux handicapés, etc. À mon club d'où je venais, à ma famille. Si c'est pas le foot, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est une bonne question. Travailler comme chauffeur routier. Et vous? Devenir chef d'entreprise. Par rapport aux joueurs qu'on a, nous, ils ont été très déçus par ce qui s'est passé à Nicena. Mais forcément qu'on s'est servi de ça, mais en même temps, c'était pas non plus un cadeau. Pour l'image du sport. Bah, pour l'image du sport, et puis par rapport au discours qu'on fait passer. Les pros, ça sert d'exemple. Donc, comment dire à un gamin, bah voilà, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, alors que jusqu'à présent, on s'en servait comme exemple. Il y a beaucoup de bons joueurs qui proviennent des quartiers, donc alors on fait l'amalgame, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste des jeunes qui ont envie de réussir et il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Alors le foot reste une des portes les plus simples à ouvrir. Il y a un potentiel de jeunes qui est énorme à Aubervilliers. Il y a le travail de la famille, mais la famille, c'est vrai que dans les quartiers, c'est pas facile. Donc un club comme nous vient en soutien de la famille pour faire passer un message et pour en faire de bons citoyens. Roselyne Bachelot, parmi ce que montre ce reportage, peut-être qu'il nous dit que même si on s'en serait bien passé, à malheur, malheur est bon, parce que c'est, il y a un côté plus jamais ça. On n'imagine pas une équipe de France refaire ce genre d'erreur. Oui, elle l'a d'ailleurs montré au Brésil. Absolument. Alors, il fallait surtout pas refaire Nicena. Il faut comprendre aussi que le football, c'est pas un sport comme les autres. Il est porteur d'un conscient et d'un inconscient collectif considérable. Il y a 2 millions de licenciés en foot. Et dans tous les pays du monde, on joue au foot. C'est un sport universel. Au pied d'une barre d'immeuble, les gamins, ils tapent dans un ballon, ils jouent au football. Et c'est vrai, ils le disent très bien, les jeunes que vous avez interviewés. C'est un rêve, c'est un moyen de s'en sortir. C'est un ascenseur social, c'est, ça oui, peut. Oui, ça, bien sûr que c'est un ascenseur social. D'ailleurs, vous savez, dans certains pays ou au bord de certains clubs, il y a aussi des vautours qui traînent. Et qui repèrent les futurs talents de demain. Ça explique aussi d'ailleurs, quand j'ai parlé de caïds immatures, ça n'avait évidemment aucune connotation raciale. Le terme de caïd est employé, heureusement qu'il y a des apports littéraires d'autres langues, est employé pour désigner des chefs. Et cette immaturité qu'on voit, qui est évidente, personne ne conteste cette immaturité. D'ailleurs, ils sont jeunes. Ce sont des jeunes que quelquefois on a retirés de l'école, de leur famille, très très jeunes, à 12 ans, à 14 ans, et qu'on a entièrement consacrés au football. Bien sûr, les ministres tous parlent du double projet, du fait qu'il faut en même temps que le football poursuivre une vraie carrière professionnelle, une vraie formation, mais tout ça c'est du flan, c'est des paroles, c'est de l'hypocrisie, c'est de la démagogie. La vérité, c'est que quand très vite, dans des familles modestes, on peut... Vous savez, il y a des petits salaires de joueurs qui débutent, on leur donne 3 ou 4 000 euros par mois. Et vous vous rendez compte? Et puis, alors, je dis pas les gars, plus tard, quand on rentre dans des équipes professionnelles, comment voulez-vous parler de double projet à des gamins qui peuvent s'acheter une Ferrari? Je dois pas citer de nom de marque. Oh, enfin, une Ferrari, ça peut. Ouais, allez, ça fait partie, c'est ça fait partie du rêve, et descendre dans des hôtels luxueux et s'acheter des montres à un prix absolument invraisemblable. Donc c'est vrai que le football, c'est ce rêve, et que c'est ce rêve qui a été cassé à Naïsna. Et ça, j'en veux beaucoup, non pas aux joueurs, mais j'en veux beaucoup à l'encadrement. Parce que face à ces gamins immatures, à ces caïds immatures, la responsabilité de l'encadrement, elle est majeure. L'encadrement, c'est le sélectionneur ? Oui, parce que c'est lui qui dirige l'équipe. Bien sûr, c'est la Fédération Française de Football qui le choisit, il est l'employé de la Fédération française de football. Mais le contact avec les joueurs, c'est Domenech. Mais le contact avec les joueurs, c'est Domenech. Et d'ailleurs, moi, il y a une chose que j'ai pas pardonné à Domenech, et qui a été sa signature de la fin de cette équipée, c'est quand à la fin du match contre l'Afrique du Sud, il refuse de serrer la main de l'entraîneur Carlos Parreira. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, si, je l'ai raconté. Bien sûr, de ce geste. C'est comme une espèce de signature finale de cette équipée désastreuse. Alors c'est vrai que le football, même s'il génère beaucoup trop d'argent, des choses malhonnêtes, c'est vrai que ça reste le plus grand spectacle ici-bas, un grand match de football qui fédère, et ces grandes cages de but et un ballon qui rentre, c'est le plus grand spectacle ici-bas. C'est clair, d'où l'enjeu. Il y en a un qui ne s'y trompe pas, c'est Nicolas Sarkozy, qui, je crois, ne fait pas semblant d'aimer le foot. Il aime vraiment ça. Nicolas Sarkozy, non seulement aime le foot, mais c'est une véritable encyclopédie. Vous lui parlez d'un match qui s'est déroulé il y a 20 ans, il va vous dire, et à la 37e minute, il y a eu une passe en retrait de machin, le but a été marqué. J'ai toujours été absolument stupéfaite. Nicolas Sarkozy est hypermnésique, il a une mémoire absolument phénoménale, et il l'applique particulièrement au football. Je suis moi-même d'une famille de footeux, puisque mon père était dirigeant de club, et j'adore donc le football sous toutes ses formes. J'allais dire aussi bien pour des petites équipes que sur les grandes équipes et les grands enjeux. Alors vraiment, Nicolas Sarkozy est tout à fait extraordinaire. Et alors justement, comment il a réagi? Est-ce qu'il vous a dit, il a pris le téléphone, il a dit, Roselyne, il faut faire quelque chose, quoi. Quand on apprend la grève des joueurs, je suis en train de visiter, d'inaugurer une exposition, et là je me dis, bon, là il va falloir quand même passer la vitesse supérieure. Je dois partir d'Afrique du Sud, je ne dois pas assister au dernier match contre l'Afrique du Sud, précisément parce que mon voyage est consacré aussi à des questions sanitaires, sida, Afrique du Sud. Et là je me dis, il faut que je téléphone au patron, aux deux boss, à mon premier ministre et au président de la République. Et là il se passe évidemment, les réponses sont tellement caractéristiques des personnages, c'est que Nicolas Sarkozy me dit, tu restes, tu annules tes rendez-vous, tu restes, tu assistes au match contre l'Afrique du Sud, et d'abord tu engueules les joueurs, tu leur dis gna gna gna, etc. Et François Fillon me dit, quand même, tout ça c'est que des types qui frappent dans un ballon. Et je trouve que les deux hommes sont assez bien réunis. Et sans doute la vérité était-elle entre les deux. Ce sera le mot de la fin, Roselyne Bachelot. Merci beaucoup. Il me reste vraiment à vous remercier pour avoir accepté de parler de cet épisode, nous rappeler vos souvenirs et nous donner des détails qui nous ont passionnés. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, quand les Bleus font grève et se font sortir minables dès le premier tour de la Coupe du Monde 2010, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livres, références et vos commentaires, bien sûr. Merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine, de toute cette saison. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillère, Adrien Cara, Adrien Mora. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Coy Nguyen, Jérôme Chélus, Hélène Bizio et Jérôme Boulet. Affaires sensibles, c'est donc terminé pour cette saison 2018-2019. Nous vous retrouvons pour la saison 6, le 26 août prochain, même endroit, même heure, en direct et pendant tout l'été. Eh bien, ce sera 20h pour des rediffusions, sinon podcast, comme d'habitude, mon programme, quand je veux, où je veux, reste bien sûr une fiction. Demain, avant le début de la grille d'été, comme il fait en ce moment une chaleur de zébu, nous vous ferons prendre le frais à 8000 mètres d'altitude avec les exploits de l'alpiniste italien Walter Bonatti. À suivre sur France Inter, bien sûr, Antoine Decaune et pop, pop, pop.